pas cette chanson. Pas cette chanson, non. Don't play that song. Don't play no more. Don't play no more. Don't play no more. No, no, no, no, no, no. Ah, putain, ils ont mis de la publicité. Ah, c'est chiant, ça. Ok. 1, 2, 3... I love you. You know that you're mine. W. Je cale, j'essaye. Attends. Thank you. French song. bonne mesure, hein, tant pis. Je n'ai besoin de personne, on a les Davidson. I'm looking for the good chords. Yes, I like. Okay. Okay.